Je viendrai pendant ton sommeil t'apporter des monts et merveilles, des mets savoureux, des corbeilles, de nectar et de fruits vermeils, tes lèvres gorgées de soleil. Je viendrai me pendre à ton sein, tes lèvres gorgées de soleil. Je viendrai me pendre à ton sein. Je viendrai pendant ton réveil, quand la nature s'ensoleille. Je te poserai des groseilles, et puis du miel et des cocktails, puis une bague à chaque orteil. Je viendrai te prendre la main, et puis une bague à chaque orteil. Je viendrai te prendre la main. Je reviendrai en plein soleil lorsque butinent les abeilles, te porter les voix des corneilles et des perroquets sans pareil, qui auront l'accent de Marseille. Je te montrerai le chemin, qui auront l'accent de Marseille. Je te montrerai le chemin. Je viendrai et sur mon conseil, tu voudras bien que l'on s'asseye et que nos deux regards balayent le paysage qui s'égaye. Sans mots tu me diras essaye, alors je saurai me montrer coquin. Sans mots tu me diras essaye, alors je saurai me montrer coquin. Je reviendrai comme la veille, tel un bateau qui appareille, la cale emplie d'un jus de treille, qui aura pris de la bouteille. Et nous boirons un verre de vin, mais je viendrai surtout enfin te dire que tu m'émerveilles, et pour souffler à ton oreille.